na bondelio Astrida Dikelanga na no mwantango na kanisa. Je suis dans l'impasse et comme koyelanga lokola ndeli suma na baninga ngana koka mwa na bondelio Astrida Dikelanga na no mwantango na kanisa. Je suis dans l'impasse et comme koyelangai lokola ndeli suma na baninga ngai na koka mwa. Na bondelio Astrida Dikelanga na no mwantango na kanisa. Je suis dans l'impasse et comme koyelangai lokola ndeli suma na baninga ngai na koka mwa ndelela e likambo ebonga na sekele na ebisa yo mbala kama okoyoka ngai te okondima ngai ndele okoli na pesa dambro azalaka likambo ebonga na kobomba e yoko mama na bana e okoma responsable okondima ngai ndele tontontoma nundu temoin. Avec l'African All Stars, au grand complet, et toujours à la direction, le maestro Dizzy Lengo. La guerre comme à la guerre, mon cher. Ça va chauffer. Gana ne mangambo bampangina la kisipale kinte la mosolo. Balati retro ya parie, balobi bango ne batoe. Monsala na yekola na seigneur taboule, na yemba na grand maître luambo. Le kisoki ozali elombe, tika bato balatisa yo mayo jaune. Tina boboto eluta ndenzoto la kote linga la vie privée. Bakoma ko gere sentiment na ngai ndele la keba na bangungie. Yeta bu seigneur le yemba bana bakoli bakomi koyeba makambo kasi babosani eloko moko mato yeleka moto te. Bapangina la kisi bale kinze la mozolo bala tire tron na parie balo bipango me bato e mosala na yekola na tabule yo na yembanga na lombwe leki soki ozali elombe kika bakumisa yo e. Tina boboto enutanga nzoto bakote linga la vie privée bakomi ko gere ba sentiment na ngai ndele la keba na bakunge kina la kisi bale kinde la mosolo bala tire trona parie balogi bango me bato e mosala na ye kola na senior leyo na yemba na grande kerambo e le kiso kio zali elombe tika bato bala tisa yo mayo jaune. Jantina boboto elu tanga njoto bako te linga la vie privée bako nako jere sentima nangai dele la keba na bangye. Ça danse.